Au fond, tout le monde est deux personnes. Il y a celle qu'on veut montrer et celle qu'on est. Souvent on répète quelqu'un d'autre, hein. Souvent jalouse des autres parce qu'en fait ils sont comme on voudrait être, hein. Et s'il y a tellement de conflits, parce que quand quelqu'un a quelque chose au fond de soi, au fond de toi, c'est que tu l'envies, hein. Souvent on répète quelqu'un d'autre, hein. Souvent jalouse des autres parce qu'en fait ils sont comme on voudrait être, hein. Et s'il y a tellement de conflits, parce que quand quelqu'un a quelque chose au fond de toi, c'est que tu l'envies, hein. J'ai la même vie que la tienne, celle que tu mènes aujourd'hui. Les mêmes soucis, préoccupations, angoisses, envie. Toujours les mêmes sentiments qui blessent. Au fond, je sais même plus si tout ça a encore à voir avec la thèse. Je rêve avec plus de paresse qu'avant. Je crois que ma désillusion a froidement assassiné mon ambition. Ma manière de vivre, j'entends. Car c'est maintenant que je comprends. Que quand le futur affirme, souvent le présent dément. Quand j'étais plus petit, tu sais, je voulais pas grandir. Tu vois ce que je veux dire, l'enfance elle ne saurait mentir. Sorte de pensée camusienne avec l'islam, en plus le destin est une sorte de roulette russe. À l'intérieur c'est comme autour de moi, c'est chaotique. Bouteille jetée à la mer, message, notre vie ne tient qu'à un fil. Et je pourrais continuer comme ça des lustres et des lustres. Mais je crois que ça saoule, hein. Tout le monde veut rire en plus. Souvent on répète quelqu'un d'autre, hein. Souvent jalouse des autres parce qu'en fait ils sont comme on voudrait être, hein. Et s'il y a tellement de conflits, parce que quand quelqu'un a quelque chose au fond de soi, c'est que tu l'envies, hein. Souvent on répète quelqu'un d'autre, hein. Souvent jalouse des autres parce qu'en fait ils sont comme on voudrait être, hein. Et s'il y a tellement de conflits, parce que quand quelqu'un a quelque chose au fond de soi, c'est que tu l'envies. Depuis que j'ai 16-17 ans, je crois, ma vie elle a pas changé. Je parle toujours fort pour rien, crains de pas être entendu. Quand on me demande de l'aide, je dis oui tellement que j'ai craint le refus. Pour moi et pour toi c'est bien, donc affaire conclue. Tu vois, je suis resté le même malgré les déceptions de la vie. Côté cœur, côté carrière, le trop d'espoir puni, c'est vert. Souvent le noir de ma peau a tourné au vert. Et vert, c'est là que je m'aide quand l'argent devient problème. À force, je me suis contenté du moyen du bof. Et moins pire devient le meilleur, c'est ça qui est fort. Mais je peux pas me refaire, donc j'aborde les mêmes thèmes. Vie et joie, mort et tristesse, mais c'est complexe. Parce que des fois le bonheur est procuré par l'inverse. Verse des larmes et pitié de nous, mais je l'accepterai pas. T'es fou, c'est comme si je te disais, vas-y s'il te plaît aide-moi. Des fois je te jure je le ferai, mais ça reste entre eux la gorge. Souvent on répète quelqu'un d'autre, hein. De la chair jalouse des autres parce qu'en fait ils sont comme on voudrait être, hein. Et s'il y a tellement de conflits, parce que quand quelqu'un a quelque chose au fond de soi, au fond de toi, c'est que tu l'envies, hein. Souvent on répète quelqu'un d'autre, hein. Souvent jalouse des autres parce qu'en fait ils sont comme on voudrait être, hein. Et s'il y a tellement de conflits, parce que quand quelqu'un a quelque chose au fond de soi, au fond de toi, c'est que tu l'envies. En fait j'ai pas quoi dire, dans mon cœur et mon esprit c'est flou. Y'a trop de choses qui se bousculent, dans ma tête c'est fou. Entre le taf, la famille, le son, la religion, je prends la tête, c'est pas bon, je crois que je vais péter les plombs. En plus les temps sont durs maintenant, je vois que la vie est dure. Quand tu passes ta vie dehors à tenir les murs, tu te rends pas compte mais en fait c'est parce que t'es pas mûr. Des fois je me pose des questions, de quoi sera fait demain. Est-ce que j'aurai des mômes et le pain quand ils auront faim. Ferai-je partie des gens du bien le jour de la fin. Est-ce que le son est bon, le troisième album est-il bien. Côté cœur, pas de commentaires, je préfère me taire. À propos de ça, je kiffe de voir des familles se faire. Dans ma famille et mes amis, ces gens-là, ils me sont chers. Je suis pas un ange, croyez-moi, j'ai mes côtés qui flairent. En quelques mesures, voilà ce qu'il y a au fond de moi. Souvent on rêve d'être quelqu'un d'autre, hein. Souvent jalouse des autres parce qu'en fait ils sont comme on voudrait être, hein. Et s'il y a tellement de conflits, parce que quand quelqu'un a quelque chose au fond de soi, au fond de toi, c'est que tu l'envies, hein. Souvent on rêve d'être quelqu'un d'autre, hein. Souvent jalouse des autres parce qu'en fait ils sont comme on voudrait être, hein. Et s'il y a tellement de conflits, parce que quand quelqu'un a quelque chose au fond de soi, au fond de toi, c'est que tu l'envies, hein.